بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني من لدنك سلطانا مبينا. أما بعد يا إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشغر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها. بعد أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على السمع والطاعة ولزوم الجماعة على وفق فهم الصحابة، وبعد ذكر ما جرى من الفتن العظيمة في الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل الحق والسنة مع الفرقة الضالة من المعتزلة والجهمية، نشرح الآن بعض الأحاديث النبوية التي تتعلق بهذه المسألة، أي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة. طيب، يقول المؤلف: فقد توقفنا في الصفحة 67 بعد 200 إلى قول المؤلف: ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة، وهي منازعة أهل السلطان التي لا يتأتى منها خير قط. Donc mes frères, inshallah, après avoir cité les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute et l'obéissance qui est due au gouverneur, ainsi que le fait de s'accrocher au groupe des musulmans. Et ceci, ces preuves-là, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions aussi évoqué les grands troubles ou les grandes épreuves et les grandes calamités qui ont eu lieu à l'époque de l'imam Ahmed, ce grand et illustre imam qui a patienté dans les épreuves, dans le châtiment qu'il a subi de la part de ces groupes égarés que furent les Mu'tazila ou Al-Jahmiya. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui expliquer certains ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se rapportent à ce principe parmi les grands principes des gens de la sunna, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur et l'attachement scrupuleux au groupe des musulmans. Le mu'allif yaqulu حفظه الله تبارك وتعالى: ولذلك فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا الشروط التي ينبغي أن تتوفر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج على الولاة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. À la suite de ceci, le mu'allif dit: pour ceci, pour tout ceci, les savants ont évoqué, qu'Allah leur fasse miséricorde, les conditions qui doivent être remplis pour sortir contre le gouverneur, comme spécifié dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si vous constatez une mécréance évidente de leur part, qui constituera ou qui constitue pour vous auprès d'Allah une preuve évidente. C'est un hadith que je vais citer en entier ici, car il n'est pas dans son intégralité dans le livre. Il faut savoir une chose, mes frères, c'est que ce principe de base, un principe sur lequel se sont égarés beaucoup de gens à travers les époques, à savoir la rébellion contre le gouverneur, ou le fait de sortir pour destituer le gouverneur. Il faut savoir que destituer un gouverneur musulman, ceci est conditionné par des conditions. Et tout le problème, il est là, mes frères. C'est que les conditions, d'une manière générale, elles ne sont jamais remplies. Et c'est pour ceci que, au final, ça occasionne beaucoup de pertes humaines, beaucoup de pertes de vie humaine, beaucoup de sang coulé, beaucoup de déchirements entre les familles, beaucoup de qui provoquent aussi une grande instabilité dans les pays, etc., etc. Tous les maux et toutes les calamités que vous pouvez constater jusqu'à notre époque. إذا سأذكر لكم الحديث بكامله إن شاء الله تبارك وتعالى ثم سنشرح هذا الحديث كلمة كلمة حتى يكون واضحا في أذهاننا ويترسخ في قلوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى. عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبيعناه أي ليلة العقبة. فقال فيما أخذ علينا أن بيعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري وهو الحديث 56 بعد 7000. نعم. Donc je vais vous citer le hadith en entier inshallah tabaraka wa ta'ala. Hadith qui est cité par l'imam al-Bukhari ou rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith numéro 7056 في باب الفتن. D'après Junada ibn Abi Umayyata qui a dit, nous nous sommes introduits auprès de Ubada ibn Samit qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était malade. Et nous lui avons dit qu'Allah te améliore ton état de santé et ta situation. Rapporte-nous un hadith du prophète duquel tu as profité ou qui te profitera et duquel tu as entendu de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, Abadat ibn Samiti, le prophète nous appela un jour et nous invita et nous fîmes acte d'allégeance. Non? C'est-à-dire Laylat al-Aqaba. Faqala fima akhadha alina. Il dit dans les choses qu'il nous a demandées lorsqu'il a pris allégeance, c'est que nous lui faisons allégeance dans l'écoute et l'obéissance. Fiman shatina wa makrahina. On va expliquer ces termes. Fiman shatina dans le sens où lorsque on est fi waqtin nashat, c'est-à-dire lorsqu'on est capable de le faire, c'est-à-dire l'ordre qu'il nous demande, ou lorsqu'on est agréé de cet acte-là. En fi makrahina fi waqtil kasari wal mashaqqa comme a parlé les ulama, c'est-à-dire lorsque on est en état de paresse et de difficulté, on se doit aussi de lui obéir. Non? On dira en français de gré ou de force. Non? Wa usrina wa yusrina, que l'on soit dans la difficulté ou dans la facilité, et les savants ils expliquent ici dans la difficulté financière ou dans la facilité financière ou pécuniaire. Wa atharatin alayna, même s'ils font preuve d'égoïsme, c'est-à-dire qu'ils s'octroient des privilèges, qu'ils nous demandent de faire des choses que eux ils ne font pas, ou alors ils nous interdisent des choses que eux ils font, ou alors ils s'octroient toutes sortes de privilèges qu'ils n'octroient pas à leur peuple. Donc le prophète nous a demandé, quelle que soit la situation, l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Ici, c'était l'écoute et l'obéissance au prophète, cette wassalam. Wa alla nunazi' al-amra ahlahu, et que l'on ne déloge, qu'on ne dispute pas le commandement à ses dignitaires ou à ses ayants droit. Ne pas disputer l'ordre, ne pas rechercher le commandement à ceux qui le détiennent déjà. Illa an taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Sauf, et c'est là que c'est important le hadith, sauf si vous voyez une mécréance claire et évidente de leur part qui constituera pour vous ou qui constitue pour vous une preuve éclatante tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez qu'à travers la traduction, j'ai expliqué bonne partie du hadith. Ce hadith-là, mes frères, il nous montre quoi? Il nous montre que l'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est un ordre divin ou prophétique, comme vous voulez. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Naam. Idhan ta'atu wali al-amr fi ta'ati Allahi wa ta'ati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajibun min al-wajibat. Man faghrata fiha fahuwa athimun. Celui qui fait preuve de laxisme par rapport à ce fondement ou ce principe-là ou cette obligation-là, celui-là est un pécheur. Naam. Et on verra même plus loin que c'est un mubtadi', comme يقول الإمام أحمد. Je vais vous rapporter le kalam de l'imam Ahmed un peu plus tard, inshallah tabaraka wa ta'ala. Ce hadith nous montre donc l'obligation d'écouter et de suivre le gouverneur dans toutes les situations, celles qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Dans des choses qu'on aime, dans des choses qu'on n'aime pas. Là, on se doit de lui obéir et de l'écouter, selon notre capacité. Et bien sûr, n'impliquant pas une désobéissance à Allah ou tabaraka wa ta'ala ou une désobéissance au prophète. Ce hadith nous montre aussi quoi, mes frères? C'est que si on voit chez le gouverneur une mécréance évidente, il faut être très précis sur les termes. Non, on va y venir, Inch'Allah, car Al-Mu'allif va détailler, Inch'Allah, plus ou moins certains de ces termes-là. Yaqulu Cheikh Raslan, Aqiba, هذا الحديث فجعلها منوطة بالرؤية لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل يعني ما يشيع بين الناس مثلا بغير حق لأن كثيرا من الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون ولا يتحرزون ويهيجون العامة ومعلوم أن العامية إنما سمي عميا من العمى فالعوام لا يدرون شيئا ولا يفقهون وإذا انفلت زمامهم فإنهم يأتون بالتوام. Cheikh Hassan dit, la révolte est conditionnée par la vision. بالرؤية. Car le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, إلا أن تروا كفرا بواحا. إلا أن تروا. إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِغْرُؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِغْرُؤْيَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى الْيَقِينِ. Donc il faut qu'on ait vu une mécréance de notre œil, de visu comme on dit, ou alors on se base sur une certitude claire et nette. Non? Comme on va le voir, Inch'Allah. La révolte est conditionnée par la vision, non pas par des idées fausses. J'ai entendu que le gouverneur a fait ceci ou a fait cela. Non. Ou par des estimations, je pense que, il me semble qu'il a fait un acte de mécréance, ou des conjectures, ou des approximations, ou des faits rapportés, non. Comme c'est le cas à notre époque. Hein. On rapporte des choses sur le gouverneur qui, dans la plupart du temps, ne sont même pas vraies. Non. Donc, sur cette chose-là, il faut être très précis, car al-hukmu, yani al-khuruj afwan, منوط بالرؤيه لا بالنقل الكلام ولا بالتخمين ولا بالوهم ولا بالظن. La révolte, elle est conditionnée par la vision de la vue, non, non pas par des conceptions, des conjectures, des faits rapportés ou je ne sais quoi. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose de qui soit basé sur la certitude, sinon la condition n'est pas respectée. Vous avez compris, mes frères? C'est-à-dire, donc il dit, Cheikh Raslan, conjecture, approximation, ou bien des faits rapportés, c'est-à-dire ce qui se dit entre les gens, par exemple, faussement, car beaucoup de personnes parlent du haut des minbars, écrivent sans prendre de précaution, c'est-à-dire sans prendre de précaution quant à la validité de leur dire ou quant à la réalité des faits. Non. Souvent, vous verrez que ceux qui parlent sur le hukam comme ça, c'est-à-dire sur les minbar ou dans les livres, ou alors dans les chaînes de télé, vous voyez souvent que lorsqu'ils parlent, ils font devancer leurs sentiments leur passion, ils ont une haine. Ils ont une haine contre le gouverneur qui se reflète à travers leurs propos. Cheikh Hassan, il continue, il dit, ils excitent et exacerbent la masse. Allez, c'est l'amour kazali qui a quoi? C'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire exacerber les foules, chauffer les foules contre le gouverneur, jusqu'à ce que les cœurs se remplissent de haine contre lui. Et on va voir que ceci s'est déjà produit dans l'histoire, à l'époque de Uthman ibn Affan. On va le voir, Inch'Allah. Hein? Jusqu'à ce qu'au final, ils l'ont tué. Ils ont fait couler son sang. Car beaucoup de personnes parlent du haut des minbars, écrivent sans prendre de précautions, ils excitent et exacerbent la masse. Et il est certes connu que la masse des gens qu'on appelle en arabe l'amma. L'amma est appelé ammi à cause de son aveuglement. On dit en arabe l'amma, c'est l'aveuglement. Donc l'ammi, on l'appelle ammiyan nisbatan ila l'amma, l'aveuglement. Il n'arrive pas à discerner les choses. L'ammi yarji ila l'alim. Il a besoin du alim pour pouvoir l'orienter, lui éclaircir les choses, lui dissiper les ambiguïtés. Sans le alim, sans le alim, il est perdu. Donc il a besoin du savant. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ami min al-ama, car il est aveugle de la science religieuse. Mais justement, ces gens-là, ils exacerbent les foules, et notamment le commun des gens. Donc le ami est appelé ami de par son aveuglement à la vérité. Le commun des gens ne connaissent rien et ne comprennent rien. Lorsque leur bride se délie, ils occasionnent de grandes calamités. Yaqulu Nabi Asat wa Salam. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Sauf si vous voyez une mécréance évidente. وتروا على الجمع وهذا الكفر يكون مجمعا على التكفير به يعني ليس بكفر تأويل مثلا لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور وإنما يكون كفرا ظاهرا بحيث لا يلتبس وَبَوَاحًا ظَاهِرًا وَبَادِيًا. Ce qui signifie, lorsque le prophète a dit, sauf si vous constatez, ou vous voyez, c'est une forme au pluriel. نعم, الخطاب للجميع. Le prophète, il n'a pas dit, illa an tara. Mais il a dit, illa an tarao. C'est-à-dire, il faut que ça soit un groupe de gens qui l'aient vu. Il faut que la mécréance soit comme soit vu comme tel, de tout le monde à l'unanimité, c'est-à-dire ce n'est pas une mécréance relevant d'une mauvaise interprétation, car les savants eux-mêmes se sont divergés sur beaucoup de choses. Donc il faut donc que ce soit une mécréance claire et ne comportant aucun doute. Comme par exemple un gouverneur qui dit devant tout le monde « El khamru halal », le vin est licite. Non, quelqu'un, un gouverneur qui vous dit le vin est licite, c'est-à-dire religieusement. Istahalla shurb al-khamr. Ça, c'est une mécréance qui est claire et évidente. Non, la yahtamilu ta'wil. Elle ne renferme pas une mauvaise interprétation. Donc, dans ce cas-là, la condition est respectée. Non, illa antarau kufran bawahan. Bawahan est apparente, claire et manifeste. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. Il dit ابن حجر, son implication est qu'il n'est pas permis de se révolter sur eux tant que leurs actes peuvent relever d'une fausse interprétation. C'est-à-dire que si leur mécréance est sujette à un ta'wil fasid de leur part, on n'a pas le droit de les taxer de mécréants. Comme ce fut le cas par exemple de Al-Ma'moun, qui avait dit que le Coran était كري نعم القرآن مخلوق وهذا كفر. Celui qui dit que le Coran est écrit, c'est une mécréance. Personne ne diverge dessus. نعم. وَلِمَا لَمْ يُكَفِّرْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. Pourquoi l'imam Ahmed ne l'a pas excommunié de la religion? بَلْ بِالْعَقْسِ كَانَ يُنَادِيهِ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. Mais bien au contraire, il l'appelait يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, prince des croyants, et même il lui adressait le salam ou il lui répondait au salam. Il ne voyait pas sa mécréance, بِعَيْنِ. Pourquoi? Car Al-Ma'moun se basait sur une interprétation douteuse. Naam. C'est-à-dire que le fait de dire que le Coran est créé, ça implique en fait qu'il faut lui ramener l'argument comme quoi ceci ne doit pas être dit et ceci relève d'une mécréance. Naam. Donc l'imam Al-Ma'moun, le khalifatul Ma'moun, a basé cette parole sur une idéologie entière. Naam. Al-Madhhab al-Mu'tazila. Ou Al-Madhhab al-Mu'tazila, c'est quoi? C'est le fait qu'ils renient les sifat d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pour eux, ils appellent ça tawhid. Al-tawhid, ou عند المعتزلة, تنزيه الله تبارك وتعالى من صفاته. C'est le fait de retirer toutes les sifat d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car ils considéraient que attribuer une caractéristique ou une sifat d'Allah, ça relève de l'anthropomorphisme. De l'assimilation d'Allah avec ses créatures. Donc pour eux, le tawhid, c'est quoi? C'est justement dénier ou renier toutes les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala à lui. Donc ça relève, ça implique quoi, mes frères? Ça implique qu'on doit d'abord leur ramener l'argument. Amma, celui qui rend licite une chose qui est claire, comme par exemple quelqu'un qui rend licite le vin. Il n'y a pas besoin là de dans ces choses-là, il n'y a pas besoin de ramener l'argument. Al-amr wadih. Amen. Alladhi yasubbu Allah mathalan. Non, quelqu'un qui insulte Allah ou quelqu'un qui dit devant tout le monde, il fait un discours présidentiel, il dit je suis devenu chrétien. Est-ce qu'on a besoin de lui ramener l'al-hujja? On n'a pas besoin là-dessus. Non, hada kufr al-bawah. C'est ça le kufr al-bawah. Non. Et il faut que cette mécréance évidente, il faut que nous, on ait une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète authentique qui nous prouve que c'est une mécréance. C'est en ceci le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a intérêt à kufran bawahan, indakum fihi min Allah burhan. Indakum fihi min Allah burhan. Dalil. Dalilun qati' wadihun. La yahtamilu at-ta'wil. Naam. Dalilun mujma'un alayhi. Il faut que ce soit un dalil clair et net, sans ambiguïté. Naam. À savoir que l'acte qu'il a fait ou la parole qu'il a dite, c'est une mécréance claire et évidente. وبعد ذلك يقول المؤلف قالوا وهذه الشروط ينبغي أن تتوفر كلها ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا لا بد من امتلاك العدة يعني حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لا بد أن تملك العدة. Il est nécessaire que ces conditions soient toutes respectées. À savoir, il faut que la mécréance ait été vue de visu, ou alors elle se base sur une science certaine. Il faut que ce n'est pas une seule personne qui l'a vue, mais un ensemble des personnes, quelque chose qui a été fait au grand jour. Il faut que l'acte qu'il a fait soit une mécréance claire et nette. Mais on rajoute aussi autre chose, une autre condition. Il est nécessaire, les savants disent qu'il est nécessaire de posséder la préparation nécessaire. Al-udda, pour se révolter contre lui. Naam, al-udda. Naam, wasta'iddu mastata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum. Et préparez tout ce que vous pouvez. Wa addu lakum mastata'tum min quwwa, comme force. Naam, afin de les effrayer, d'effrayer vos ennemis et d'effrayer les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-quwa, afwan al-udda, ou l'isti'adad, le fait de se préparer, ça implique que tu dois te préparer matériellement. Il faut que tu aies la capacité à le faire, à le destituer. Non, il faut que tu aies la capacité. Il faut que tu puisses mettre à sa place un gouverneur musulman qui appliquera quoi? Shari'at Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'est pour ramener derrière un laïc, c'est pas la peine. Non, comme le font les gens aujourd'hui. Ils veulent destituer les gens au pouvoir pour ramener derrière un démocrate ou un laïc. Elle est où la faïda dans ça? Si ce n'est qu'on a fait couler le sang. Non. Donc il faut ramener derrière, c'est pour instituer derrière un califat ou un gouvernement qui appliquera les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou la législation d'Allah. Sinon, il n'y a aucun intérêt à le faire. De même, il faut qu'on ait la capacité spirituelle, al-uddatul imaniya ou ruhiya, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils soient un tant soit peu, ou le groupe qui sort du moins, il faut qu'ils soient sur la sunna du prophète. Il faut qu'ils aient un minimum de piété. Si c'est des pervers, lorsqu'ils auront les clés de la gouvernance, qu'est-ce qu'ils feront avec ça? Si ce n'est que commettre le désordre. Donc il faut qu'ils aient quoi? Un minimum de piété. Il faut que ce soit des gens qui sont sur la sunna du prophète, hein, pour être sûr que ce qui sera appliqué sera conforme à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Et enfin, il faut aussi considérer, lorsqu'on se révolte sur eux, ce qu'on appelle al-masalih ou al-mafasid, les avantages et les inconvénients. Si on a toutes les conditions, on a vu une mécréance claire et évidente, ba'in, badin, clair, zahir, de la part du gouverneur, qu'on a la capacité à le renverser et à le destituer afin de le remplacer par quelqu'un qui sera meilleur que lui. Qu'on a ce minimum de piété et de discernement. Walakin, si on voit avec toutes ces conditions que le fait de sortir sur lui entraînera forcément une grande effusion de sang, alors il est interdit de sortir. Même si les autres conditions sont remplies. Vous voyez que ces conditions sont pratiquement irréalisables si on devait toutes les réunir. Et je vous rappelle ce qu'avait dit Cheikh Al-Albani. Il avait dit, si les musulmans ont le quwwa, s'ils ont la capacité, alors avant de destituer les gouverneurs musulmans, qu'ils aillent destituer les gouverneurs mécréants avant. Avant de s'attaquer aux musulmans, qu'ils aillent s'attaquer aux pays s'ils avaient la capacité de le faire. Voilà qu'il a dit Cheikh Al-Albani, mais à notre époque, il n'y a pas. Personne n'a la capacité de se rebeller contre le gouverneur. Qu'est-ce qu'il nous reste, mes frères? As-sam'u wa ta'a wa sabr. Ala jawri al-a'immati al-dhalama. Yaqul. Donc, Cheikh Hassan dit, il rapporte la parole des savants d'une manière générale, il est nécessaire de posséder la provision, les préparatifs nécessaires. C'est-à-dire, même si tu voyais une mécréance claire et évidente constituant une preuve pour toi auprès d'Allah, il te faudrait être préparé à la destitution ou à la révolte. Non. Si tu n'es pas préparé, reste chez toi. Ne t'aventure pas dans ces choses-là, car tu porteras sur tes épaules le sang de tous les musulmans qui sont tombés le jour du jugement. Et rappelez-vous, mes frères, que la première des choses qui sera demandée le jour du jugement concernant les droits des gens, c'est le sang. Naam. Awwalu ma yus'alu yawm al-qiyamati fi huquq an-nas ad-dima. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sang. Si tu as fait couler du sang à non droit, injustement, c'est la première des choses qui te sera demandée. Et tu devras payer le prix du sang. Ne pas négliger et faire preuve de laxisme par rapport à ce principe-là ou à cette chose-là. ثم يقول المؤلف ولذلك قال الشيخ صالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه إمام مجمع على إمامته وعلمه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة يقول الشيخ عثيمين تخرج بسكين المطبخ وعصا غراعي يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة ولا يستفيد من هذا في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربسين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين تريدون أن تصير بلاد المسلمين لمن؟ لهؤلاء؟ لن تتملكوا حينئذ شيئا، وإنما هنالك من يتربث من أجل أن يثب على الكراسي، وأما أنتم فلن تتحصلوا على شيء، والتاريخ شاهد، التاريخ شاهد على فعل الإخوان المسلمين في السودان، ضيعوا الجنوب، وكذلك على ما فعل السلفيون الحركيون في الجزائر. سالت الدماء أنهارا، وما زالت آثار الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا إلى كثير من الأماكن حدث فيها ما لا يخفى على مراقب لبيب. C'est pour cette raison que Cheikh Saleh Al-Uthaymeen رحمة الله تبارك وتعالى عليه a dit: tu sors avec un couteau de cuisine et un bâton de berger. هكذا يقول. هذا شريط صوتي، c'est un cours audio qu'il avait fait. Il dit comme ça: non. Tu veux sortir contre le gouverneur avec un couteau de cuisine et un bâton de berger. Non. Il disait, alors qu'en face ils ont d'babat ou rachachat, il a akhiri. En face de toi ils ont des tanks, ils ont des mitraillettes, ils ont tout l'arsenal militaire. Et toi tu sors avec ça? C'est pas concevable, même rationnellement. Non. Tu sors avec un couteau de cuisine et un bâton de berger. C'est-à-dire, tu provoques l'anarchie et occasionnes les troubles. Et au final, nul ne bénéficie de cette situation, si ce n'est les mécréants parmi les gens du livre, ceux-là même qui observent et guettent, ou bien encore les laïcs et les communistes. Il n'y a pas besoin de revenir très très loin, mes frères. Regardez ce qui s'est passé dans les dernières années. Et vous verrez qu'au final, tous ceux qui se sont révoltés, ils n'ont rien gagné du tout. Bien au contraire. Ils n'ont gagné que des problèmes. Et ceux qui ont gagné, c'est qui? C'est les ennemis de l'islam. Al-ilmaniyoun, wa shuyu'iyoun, wa demokratiyoun, l'akhiri. Wa man laffa laffahum, wa man dara fi falakihim. Il dit, à qui souhaitez-vous livrer le pays? À cela, si c'est le cas, vous n'aurez rien, aucune part du gâteau. C'est pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai traduit, hein, entre parenthèses. Vous n'aurez rien. Il y en a parmi eux qui observent de loin afin de s'emparer du trône, dès que l'occasion s'en présentera. Quant à vous, vous n'obtiendrez rien du tout, et l'histoire est témoin de ceci. L'histoire est témoin des agissements et exactions des frères musulmans au Soudan. Et ils ont perdu le Sud-Soudan. Non. De même que l'histoire est témoin des salafistes révolutionnaires, as-salafiyat al-harakiyya. Ce sont ceux qui s'apparentaient au salafisme, mais qui prenaient les armes contre les gouverneurs. Non. On les appelle as-salafiyat al-harakiyya, ou al-harakiyoun. Ces salafistes révolutionnaires en Algérie, le sang a coulé à profusion et les conséquences de ces troubles sont encore présentes. Voilà mes frères, les blessures elles ne sont pas encore refermées en Algérie, sachez-le. Les gens encore, ils sont encore touchés par ce qui s'est passé dans les années 90. Non. De même les événements de Gaza, qui perdurent jusqu'à nos jours, ainsi que dans de nombreux autres endroits. Il s'y déroula ce qui n'a pas échappé à tout observateur intelligent et lucide. Non, mes frères. Comme a dit Cheikh Al-Albani, on parle d'Ikhwan al-Muslimin. Il a dit: depuis 50 ans, ramenez-moi une seule chose de positif que vous avez fait. Hein? Ramenez-moi depuis 50 ans. Donc il parlait du problème en Palestine avec le Hamas et tout. Hamas, ikhwan muslimin. Ramenez-moi une seule chose en 50 ans depuis qu'il y a eu l'État d'Israël qui a été reconnu à l'ONU. Et va dire le mu'allif. فإذا هذا الأمر أمر كبير وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق على عليه وعلى صحته. C'est une chose grave et importante, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ceci, c'est-à-dire contre la révolte sur les gouverneurs, en disant « Le sang d'un musulman n'est licite que pour l'une de ces trois choses. Le fornicateur adultérien. Thayyib, c'est celui qui est marié. Ou Thayyib Zani, c'est celui qui est marié qui commet la fornication. Celui-là, son had, c'est quoi ? Rajm. Rajmu bilhijara. On doit le lapider. C'est la lapidation pour le Thayyib, pour celui qui est marié. Jusqu'à la mort. Comment ? Avec des pierres de taille moyenne. Ni des grosses pierres qui le tueraient d'un coup, ni des petites pierres qui le feraient trop souffrir au final. Mais des pierres de taille moyenne. Et on a posé la question à Cheikh Al-Thaymin, on lui a dit, pourquoi on le tue de cette façon ? Al-Thaymin Zani, pourquoi on ne le tue pas d'un coup d'épée sur le cou ? Ou un coup d'épée à la tête ? Ça serait plus simple. Cheikh Al-Thaymin lui répond, il dit, « Kama huwa al-jima' al-muharram » يعني يتلذذ به الإنسان بجميع أعضائه ولذلك الجزاء من جنس العمل عليه أن يعذب بجميع أعضائه نعم كل عضو يعذب il dit que quand tu fais fornication avec une femme c'est d'une manière générale tout ton corps qui prend du plaisir donc la récompense, elle est selon la nature de l'acte. Ou le châtiment, il est selon la nature de l'acte. C'est une règle dans l'islam. Donc, on doit le châtier tous les membres de son corps. Comme il a profité dans le haram avec tous les membres de son corps. Donc, le fornicateur adultérien. Le prix du sang, un nafs ou bin nafs. Man qatala shakhsan amdan, celui qui a tué une personne volontairement, avec préméditation, comme on dit. Les gens de sa famille ont le droit de demander le prix du sang. C'est-à-dire qu'il soit tué en compensation à celui qui l'a tué. Hein? Ce qu'on appelle al-qasas. Hein? Ils peuvent demander aussi ce qu'on appelle al-diya al-muhallaba, c'est-à-dire une compensation énorme. Hein? Ou alors, troisième solution, al-afu. Il pardonne. Ça, c'est meilleur. Voilà qu'il peut demander la compensation, le prix du sang, c'est-à-dire qu'il soit tué. Donc, il reste musulman, bien sûr. Il a tué un musulman, c'est grave, c'est un acte grave, avec préméditation. Laquelle il va être tué, haddan tassabi, on va lui appliquer la loi du talion, mais il reste musulman. D'accord ? Donc, c'est un sang qui est quand même licite. Et enfin, le troisième, c'est l'apostat qui se détache ou qui se désavoue du groupe des musulmans. D'accord ? L'apostat, al-murtad, al-tariku li dinihi wal-murtad, al-mufariku lil-jama'ati. Hadihi suratun kashifa. Donc, ici, l'apostat, d'une manière générale, parmi ses caractéristiques, c'est qu'il se détache du groupe des musulmans. Non? Et rappelez-vous, c'est quoi le groupe des musulmans? Rappelez-vous le hadith de Hudhayfah ibn al-Yamani. Lorsque le prophète lui a cité toute une série de troubles qui allaient survenir dans des temps postérieurs, ou futur, يقول حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك que m'ordonnes-tu si je dois subir toutes ces choses-là فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم accroche-toi au groupe des musulmans ainsi qu'à leur imam à leur chef non c'est ça le groupe des musulmans c'est ceux qui sont sous al-bay'a le pacte d'allégeance avec le gouverneur musulman. Même si c'est un fajr, même si c'est un fasiq. Naam. Son injustice, sa perversion, elle sera contre lui, il sera jugé. Il y a un mal qu'il y a sur ceci. Naam. Voilà qu'il ne doit pas enlever notre pacte d'allégeance et sortir de son obéissance. Naam. Cheikh Hassan, il dit, concernant ce hadith-là, « Onzur, fanzur kayfa sawa » الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة. Il dit, regarde comment l'envoyé a mis au même piédestal l'apostat et celui qui se détache du groupe. Quelqu'un qui se détache du groupe des musulmans, ça ne veut pas dire que c'est un apostat. C'est pas ça que ça veut dire. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre sens. Un apostat, par la force des choses, un murtad, il va se désavouer du groupe des musulmans. Et il va se désavouer par là même du gouverneur. Mais le contraire n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas toute personne qui sort du groupe et du pacte d'allégeance du gouverneur qui est forcément un apostat. Vous avez compris ? Voilà qui le prophète, à cette façon de ce hadith, a lié les deux. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que toute personne qui sort du groupe des musulmans, qui se détache du groupe des musulmans et qui enlève le pacte ou qui se retire du pacte d'allégeance avec le gouverneur, il a fait un acte qui est comparable au murtaddin. La gravité, elle réside dans ceci. Yatashabbah bin murtaddin. Il s'assimile en ceci aux apostats. Ali ibn Abbas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا هذا الشبر نعم فمات إلا مات ميتة جاهلية هذا حديث عظيم جدا البروفيت عليه الصلاة والسلام d'après la version d'Ibn Abbas celui qui voit chez son gouverneur une chose qu'il réprouve. Celui qui voit chez son gouverneur qu'il boit de l'alcool, qu'il fréquente des femmes, qu'il fournique, qu'il ne juge pas avec les lois d'Allah. Toutes ces choses-là sont des choses graves et répréhensibles. On est tous d'accord dessus. Non ? Qu'il patiente sur lui. Qu'il patiente sur sa perversité, sur son injustice, sur son oppression. Qu'il patiente. Car celui qui se détache du groupe d'un enfant, un chibre, من هنا إلى هنا. نعم. ولو بشيء القليل. Même ne serait-ce que d'une petite chose. Celui qui se détache du groupe des musulmans d'un enfant et meurt, mourra d'une mort comparable à celle des gens de l'époque anti-islamique. Ce hadith, il signifie quoi, mes frères ? Il signifie que celui qui se détache, hein, celui qui dit, je n'ai plus aucun gouverneur, je ne suis sous la tutelle d'aucun gouverneur. Naam, et qui s'est détaché de l'allégeance de son gouverneur, qui était musulman. Si cette personne-là meurt, elle meurt dans un état qui est comparable à ceux dans lequel mouraient les gens d'avant l'islam. Car les gens d'avant l'islam, mes frères, ils ne voyaient pas l'obéissance et l'écoute au gouverneur. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent mécréants. فَالْخُرُوجُ يَكُونُ بِالْكَلَامِ كَمَا يَكُونُ بِالسَّيْفِ نعم. فقط كررنا هذا مرارا أن الخروج بالسيف لا بد أن يكون ممهدا بالخروج بالكلام لا بد نعم حتى يتفق الناس على الخروج بالسيف. La rébellion se fait par la parole comme elle se fait par l'épée. Les deux, ils sont au même piédestal. D'accord, dans le hukm, c'est-à-dire dans le statut juridique, le fait que ça soit haram. Sauf que la rébellion par l'épée n'est qu'une application de la rébellion par la parole. Ce n'est qu'une application théorique dans les faits. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى في تعليقه على رسالة العلامة قاضي الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين سانيف كل إمام الشوكاني أيكري أغيديجي كي تخد دسو سجلا يقول شعر ثيمين وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئبه هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته فاسا حديث نفخير donc il dit le prophète a dit صلى الله عليه وسلم il sortira à la suite de cet homme-là, celui dont vous mépriserez votre prière par rapport à la sienne. C'est un hadith qui est tawil, c'est un hadith qui est long. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin de guerre, jusqu'à ce qu'un homme est venu le voir, qui s'appelle Dhul Khuwaisara al-Tamimi, ou alors certains ont dit qu'il s'appelle Hurqus ibn Zuhair, Sa'di. Cette personne-là a fait preuve d'outrance, non, au prophète, en lui disant, Ya Muhammad, i'dil fil taqsim. Sois juste dans le partage. Non. Le prophète a dit, si je ne suis pas juste, qui peut se prétendre être juste? Non. Car c'est le prophète qui leur a appris quoi? La justice. C'est le prophète qui leur a appris la justice, et cet homme-là est venu dire au prophète, sois juste dans le partage. Si le prophète n'est pas juste, à plus forte raison, t'es pas juste aussi. C'est logique, mes frères. Car c'est le prophète qui vous a tout appris. L'équité, la justice, l'insaf ou l'adl. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il sortira de cet homme des gens ou suivra selon la voie de cet homme des gens desquels vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. C'est-à-dire que ce seront des grands adorateurs d'Allah. De telle sorte que la prière des sahaba se paraîtra insignifiante devant la leur. Comme on a déjà évoqué ceci lorsque nous avions cité Al-Munadhara. Munadhara, c'est-à-dire la discussion qu'il y a entre Ibn Abbas et le Khawarij. Lorsque Ibn Abbas est venu les voir, il les a vus avec des vêtements usés, avec des traces sur le front. Déjà, c'est des grands adorateurs. Taïb. Cet homme-là, Yassifuhu Sa'id al-Khudri fi hadha al-hadith, yaqul hadha rajul kana ghaira al-aynayn mushrifa al-wajnatayn ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. Il a dit cet homme-là avait les yeux rentrés dans les orbites. Il avait des pommettes saillantes, le front haut, une barbe conséquente, le crâne rasé et le izar remonté. Voilà comment il l'a décrit Sa'id al-Khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il sortira de cette personne-là, cette catégorie de personnes. Et le prophète a dit dans le même hadith à la fin, il a dit, si je les vois, ces gens-là, je les combattrai comme fut combattu le peuple de Samoud. Haoulaï humul khawarij. Haoulaï humu al-khawarij. Ce sont les khawarij. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف يكون كما يكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على رسول صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه. Il dit, regardez cet homme qui a élevé la voix devant le prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit, ceci est la plus grande preuve prouvant que la révolte et la rébellion se fait par l'épée comme elle se fait par la parole. Car celui-ci n'a pas pris l'épée contre l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, mais il l'a réprouvé par sa langue. نعم, il l'a réprouvé par sa langue. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة وهو زنا الفرج ولهذا قال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Il dit, regardez bien mes frères, écoutez bien. Ce qui est présent dans les livres des gens de la Sunna, c'est que la révolte qui est mentionnée d'une manière générale sur le gouverneur est celle faite avec l'épée. Il signifie par ceci les savants la révolte finale et ultime se faisant par l'épée, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que la fornication pouvait se faire par l'œil. La fornication peut se faire par l'œil comme elle peut se faire par l'ouïe ou les oreilles, par la main ou par la jambe. Voilà qu'il la fornication de l'œil, c'est le fait de regarder les choses interdites. Mais celle-là au final, si on s'y complaît, elle emmène à quoi? La zina al-haqiqi, à la fornication pratique, c'est-à-dire celle qu'on connaît, qui est connue. Mais voilà que le prophète, Hassan dans le hadith, il a dit que même l'œil commet la fornication. De même que la révolte sur les gouverneurs par la parole est une révolte en elle-même. Car elle mène au final à quoi? À la révolte par l'épée. C'est une analogie. Donc il dit... Car le prophète, a considéré que la fornication pouvait se faire par l'œil, ou l'ouïe, ou la main, ou les jambes. Mais la grande fornication est l'acte en lui-même. C'est la fornication du sexe. C'est pour cette raison qu'il dit, le sexe rend véridique ceci ou le dément. Dès lors que la personne est passée à l'acte, il a rendu véridique quoi ? Ce qu'il avait vu auparavant. Par analogie, mes frères, on en déduit que le fait de parler sur les gouverneurs, d'exacerber les foules, de chauffer les masses, de critiquer les gouverneurs, de montrer leurs défauts et de cacher leurs qualités, tout ceci est une révolte en soi-même. Et si tu fais ceci, tu es considéré comme un khaliji. Fais attention à ces choses-là, mes frères. فهذا قال فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبق خروج باللسان والقول. Donc ça c'est la parole du Cheikh Al-Thaymin. Et Cheikh Hassan dit un commentaire de ceci. C'est pas dans le livre. Il dit que ceci nous prouve que Cheikh Al-Thaymin c'était quelqu'un qui était intelligent et lucide. Il dit cette expression de certains savants voulant signifier nous savons pertinemment par la force des choses qu'il n'est pas possible de se révolter par l'épée sans qu'elle n'ait été précédée par une révolte de la langue. C'est clair et net, mes frères. Tous ceux qui se sont révoltés, que ce soit dans les premiers temps, et on va rapporter un kalam, inchallah, à la fin du cours, kalam qui est probant, qui montre ceci clairement, que toutes les révoltes qui ont eu lieu, naam, par l'épée, elles ont été préparées des années et des années à l'avance. Non. Elles ne se sont pas faites comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu toute une préparation. Il y a eu ce qu'on appelle un lavage de cerveau qui a été fait. Lisez l'histoire, ne serait-ce que l'histoire du XXe siècle, avec entre autres comme protagonistes les frères musulmans. Quand on dit frères musulmans, dedans ils rentrent le takfiriyoun ou le khawarij. Vous verrez que c'est une histoire qui fait pleurer mes frères. Al-Tarikhun Mu'sif. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم ويحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. Il dit, les gens ne peuvent prendre l'épée et combattre le gouverneur sans un facteur les poussant et les incitant à ceci. C'est clair, mes frères. Non. Il est forcément nécessaire qu'un facteur les a incités à ceci, c'est la parole. C'est la propagande. Donc la révolte par la langue est considérée comme une vraie révolte. Et ceci est prouvé par la sunna et est prouvé aussi par les événements actuels. Non, mes frères ? Quant à la sunna, les textes, on les connaît. Quant aux événements actuels, il dit « Amal waqir » فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف لا بد أن يكون توطئة وتمهيد قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء انتهى كلام شيخ تيمين. Quant aux événements, nous sommes persuadés que la révolte par l'épée est une branche ou une ramification de la révolte par la langue. Car les gens ne se révoltent pas sur le gouverneur en prenant simplement l'épée. Il est forcément nécessaire qu'elle fût préparée par la médisance sur les gouverneurs, la dissimulation de leurs qualités. Par la suite, les cœurs des gens se remplissent de haine et de rancœur envers qui ? Envers le gouverneur. Si tu évoques que les défauts de quelqu'un, et tu caches ses qualités. Au final, tu vas être amené à quoi ? Le détester. À ce moment-là, les troubles surviennent. Naam, les frères, vous pouvez trouver ceci, inshallah, fi raf'ul asatin, fi hukm l'ittisal bis salatin, l'imam al-shawkani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, avec le ta'lir de Cheikh Al-Thaymin. Qala ibn Sa'd, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, alayhi, هذا في الطبقات الكبرى. أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له يا أبا معبد أوأعنت على دمي؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمي. الله أكبر. Donc Ibn Sa'd rapporte dans Tabaqat al-Kubra, d'après Abdullah ibn Idris, qui nous a informé que Muhammad ibn Abi Ayyub, d'après Hilal ibn Abi Humaid, qui a dit, j'ai entendu Abdullah ibn Ukayn dire, je n'aiderai plus personne contre le sang d'un calife. Je n'assisterai plus personne contre le sang d'un calife. C'est-à-dire à faire couler son sang. Hein? Après Uthman, on lui demanda, Ya Aba Ma'bad, as-tu aidé à son meurtre? As-tu aidé au meurtre de Uthman? Il répondit, j'énumérais ses défauts chez les gens afin de causer l'effusion de son sang. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il faisait? Il énumérait les défauts de Uthman ibn Affan, al-Khalifat al-Thalith, n'am, auprès des gens jusqu'à ce que hatta tabtali'a qulub an-nas ghaydan wa haqdan 'alayhi, n'am, fa kharaju 'alayhi wa qataluhu. Ils sont sortis sur lui, ils l'ont tué. Et il dit, il a regretté bien sûr, non, il dit, j'énumérais ses défauts afin de causer l'effusion de son sang. Non. Mes frères, quand vous voyez toutes ces personnes-là qui s'affilient à la sunna du prophète, qui se réclament des gens de la sunna, hein, mais qui ne se gênent pas et qui n'éprouvent aucune honte à critiquer les gouverneurs sur le minbar, ou à travers leurs livres, ou à travers leurs magazines, Jaraid ou Majallat, ou bien à travers des chaînes de télévision, satellites. Non, ils critiquent. Ces gens-là ne se sont-ils jamais posé la question à savoir quelles sont les conséquences de la destitution du gouverneur si elle venait à s'opérer? Non. N'ont-ils pas craint Allah tabaraka wa ta'ala sur le sang des musulmans? Ou alors parle-t-il juste pour leur intérêt personnel? Ah. Allahu Akbar. يقول قد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصح الولاة؟ Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz sur la voie des pieux prédécesseurs concernant les critiques ouvertes des gouverneurs sur les minbar. Et quelle est la voie des salafs concernant le bon conseil qui doit être prodigué ou donné au gouverneur? Yaqul Cheikh Ibn Baz rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, laysa min manhaj as-salaf at-tashhir bi'uyub al-wulat wa dhikru dhalika 'ala al-manabir li'anna dhalika yufdi ila al-fawda. لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يدور ولا ينفع. Je vais déjà vous traduire ceci. Il dit, le dévoilement des défauts des gouverneurs sur les manabirs, sur les minbars, ou toute place publique, d'accord, toute tribune, voilà, je cherchais le mot, sur toute tribune. Donc le dévoilement des défauts des gouverneurs sur les différentes tribunes ne fait pas partie de la voie des salafs, car ceci conduit à l'anarchie et au désordre, et à la non-obéissance et écoute dans le convenable. C'est clair, mes frères. Quelqu'un qui critique, qui dévoile ouvertement les défauts, ou qui dévoile ouvertement les défauts des gouverneurs, qui les critique ouvertement, qu'est-ce qui va se passer au final? C'est que les gens, même dans le convenable, il n'aura plus aucune crédibilité aux yeux de son peuple. Il dit, conduit au désordre et à la non-obéissance et écoute dans le convenable. Et conduit à la polémique stérile, préjudiciable et non bénéfique. En ceci, ce qu'ils ont fait, vous savez que mes frères, c'est que les gens qui parlent comme ça, là, notamment, il y a quelque chose qui est répréhensible à notre époque, c'est les débats. C'est les débats politiques dans les chaînes arabes. Hein, ils parlent sur le hakim, ils parlent sur le wazir, ils parlent sur un tel et tel. Ils discutent comme ça. En fait, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de... Ils ont pris une voie qui est celle des koufars dans les pays démocratiques. Hein, avec tous les égarements qu'ils contiennent. Ils ont fait la même chose, mais sans prendre en compte quoi? Al-dawabit al-shar'iyya, c'est-à-dire les principes religieux desquels nous sommes contraints d'appliquer et de respecter. Naam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de nous rebeller, de nous révolter, ne serait-ce que par la parole sur le gouverneur, pensez-vous à cet instant que ces gens-là qui parlent, qui font des débats, hein, et qui imitent les koufars dans ces choses-là, pensez-vous un seul instant qu'ils ont pris en compte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, à savoir qu'ils devaient garder leur langue de tout ceci? Ils ont fait abstraction de ceci. Et ils ont dit, nous allons faire comme les koufars qui ouvrent les débats. Et c'est ça la démocratie. Et c'est ça la liberté de parole, la liberté de ton, comme ils disent. Hein? Subhanallah. Et au final, ça engendre ce que ça engendre comme chose préjudiciable. Et les savants ne cessent de nous le dire et de nous mettre en garde contre ceci. يقول الشيخ ابن باز يستمر في الكلام يقول ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. Mais la voie à suivre et la voie à adopter chez les salaf, c'est le conseil entre eux et le gouverneur. La correspondance écrite, la jonction avec les savants qui l'appellent et qui s'appellent Naam, afin qu'ils s'orientent dans le convenable. Donc comment réfuter sur le gouverneur, ça fera l'objet d'un cours, Inch'Allah, c'est justement que on doit prodiguer le conseil, mais dans une assise secrète, afin que la parole soit plus à même d'être acceptée par le gouverneur. Naam. Lequel d'entre nous accepterait d'être corrigé devant tout le monde? Personne. Imaginons qu'un tel fait une erreur. Toi, t'attends qu'il y a tout le monde qui soit là pour lui dire. Donc là, al-muna saha, c'est-à-dire le bon conseil, l'orientation, elle doit être faite toujours dans un cercle privé, entre les savants et le prophète a dit à cette fois, un hadith qui a été rapporté, fi kutub as-sunan et qui a authentifié par Cheikh al-Albani. Où le prophète a dit à cette femme, Man qara abwab as-salatin faqad istutin. Celui qui frappe à la porte des sultans, il sera éprouvé. Naam. Bil mal, wal jah, wal sharaf. Naam. Wal manasib al-aliya. Il sera éprouvé par quoi? Par l'argent, par les honneurs, par toutes sortes de choses de ce dunya. Naam. Donc, quelqu'un qui a dans les hautes structures de l'État, naam, il a tout. C'est pas toi qui vas lui ramener du dunya. Il a tout, lui. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est le din. C'est pas le dunya qui lui manque, c'est le din. Donc, si toi, tu viens le dénigrer devant tout le monde, déjà qu'il n'a pas beaucoup de din, si toi, tu vas le dénigrer devant tout le monde, tu crois qu'il va accepter ton conseil devant tout le monde? S'il va te prendre, il va te jeter en prison, ou il va te châtier. Même, il peut te tuer, carrément. Donc, ça doit se faire d'une autre façon. Comme a dit le prophète, à cette fois-là. وقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولما فتحوا الشغر في زمان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم وقتل عثمان بسبب ذلك وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه نسأل الله العافية. Il dit, lorsqu'ils commettèrent le mal à l'époque de Othman رضي الله تبارك وتعالى عنه et le réprouvèrent ouvertement, comme la parole de Abdullah ibn Uqayn, les troubles s'amplifièrent ainsi que le combat et le désordre duquel sont éprouvés jusqu'à notre époque les gens. Jusqu'à notre époque, il y a des gens qui détestent Uthman ibn Affan. Sahih ou lala? Là. Relisez les écrits de Seth Qutb. Vous allez voir, Inch'Allah, si je mens. Et le désordre duquel se sont éprouvés jusqu'à notre époque les gens. à cause de ceci, à cause de ces troubles, Uthman fut tué, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et des troubles survinrent entre Ali et Muawiya, à la suite de ceci. Relisez l'histoire, mes frères. Un grand nombre de sahaba et autres furent tués à cause de cette réprobation ouverte et publique en citant ouvertement les défauts, jusqu'à ce que les gens le détestèrent et le tuèrent. Qu'Allah nous préserve de ceci. Les paroles des savants, mes frères, ce sont des paroles empreintes de science. Et les paroles de Cheikh Ibn Baz, ce ne sont pas des paroles à prendre à la légère. Ce sont des paroles empreintes de science qui, malheureusement, sont prouvées par les événements actuels. Malheureusement. On souhaiterait que Cheikh Ibn Baz ait tort. Voilà qu'il Cheikh Ibn Baz, il avait raison, mes frères. Et ce qu'il avait dit, les gens qui ont fait défection et qui n'ont pas écouté, ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. Comme ce qui s'était passé en Algérie. Les gens, ils l'ont écouté, ils ne l'ont pas écouté. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Des meurtres et des meurtres et des meurtres. Et les mêmes sont restés au pouvoir. Les mêmes qui étaient avant, c'est les mêmes qu'il y a maintenant. Un peu mieux, Inch'Allah. Mais c'est les mêmes. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Prophète a dit à cette wassalam, je vous enjoins la piété d'Allah, l'écoute et l'obéissance. Fût-il en votre tête un esclave éthiopien, celui d'entre vous qui vivra après moi verra de nombreuses querelles, dissensions, divergences. Prenez garde des choses nouvelles, car elles sont un égarement. Celui qui vivra ceci, qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés, mordez-y de toutes vos forces. Ou à pleines dents. فهي وصية المودع اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور على الأمر بتقوى الله وبتقوى الله صلاح ما بين العبد وربه وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وإن كان عبدا حبشيا وبهذا صلاح دنيا المسلمين ومجتمع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عند رؤية الاختلاف وحدوث خلاف ما كانت عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى. C'est le serment d'adieu. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'en est tenu à ces choses-là, c'est-à-dire la piété envers Allah. Par elle se réforme la relation entre le serviteur et son seigneur. Sahih. Puis il ordonna l'écoute et l'obéissance, n'impliquant pas une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fût-il un esclave éthiopien, par l'observance de ceci, la vie et la société musulmane s'en verra réformée et améliorée. Naam. La tantazimu ahwalun nas illa bisam'i wa ta'a. C'est une règle que vous devez apprendre, mes frères. Les situations, la vie des gens ne peut être réglée. Elle ne peut être organisée correctement si ce n'est par l'écoute et l'obéissance. Par l'obéissance, par l'observance de ceci, la vie des gens et la société musulmane d'une manière générale s'en verra réformée et améliorée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint, dès l'apparition des divergences, à la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, concernant l'égoïsme, ce qu'on appelle l'athara. On l'a expliqué tout à l'heure, l'égoïsme, c'est le fait de s'attribuer des privilèges, et de s'accaparer les biens, les biens du peuple. Comme c'est quelque chose qui est courant à notre époque, où on critique notamment les gouverneurs en disant, ils s'accaparent les biens de l'État. C'est pour ceci que le prophète disait dans le hadith de Ubadah ibn Samit, wa bayana ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina. L'écoute et l'obéissance, même s'ils font preuve d'égoïsme en s'accaparant les biens du peuple. Écoutez, obéis. Et dans une autre version, la version de Hudayfa ibn al-Yamān, Isma' wa ati' lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Non, mes frères, même s'il te frappe le dos, il te prend tes biens, il te spolie tes biens, patiente. كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من راى في اميره ما يكره فليصبر عليه. Celui qui voit chez son gouverneur une chose qu'il réprouve, qu'il patiente. Il n'a pas dit فليخرج عليه. Non, فليصبر عليه. ومن فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه. Donc ici il dit de même concernant l'égoïsme. وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَثَرَ سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Il y aura après moi de l'égoïsme et des choses que vous réprouverez. Quelle est la situation à adopter? السبر نعم وعدم الخروج عليه والسمع والطاعة في المعروف. Et je vais vous rapporter une parole de l'imam Al-Ajuhri, Inch'Allah, qui décrit exactement comment il faut faire. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Idhan, al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wassa bi-rujou' ila sunnatihi wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiyin wa bihada yadoumu al-salah wa yazoulu al-fasadu al-lazhi yatra'u ala al-mujtama'i fi al-amrayni al-sabiqayn wa huma ما يكون بين العبد وربه وما يكون مما يتعلق بالظلم الولاة فهذا يؤدي إلى كثير من الخير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Il enjoignait صلى الله عليه وسلم au retour à sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. Par ceci, la réforme et l'amélioration s'installera et perdurera. Parmi les frères. Et le mal qui s'abattait sur la société dans les choses précédemment citées s'estompera. Premièrement, la relation entre le serviteur et le seigneur. Deuxième chose, ce qui se rapporte à l'injustice du gouverneur. Ceci ramène un grand bien. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله ولم يقول أوصيكم أن تتقوا الله. Prophet a dit عليه الصلاة والسلام je vous enjoins la piété envers Allah et il n'a pas dit je vous enjoins de craindre Allah. فعبر بالصيغة الاسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم لأن في التعبير بالخطاب الاسمي واستخدام الجملة الاسمية دلالة على الدوام والثبوت والاستقرار ولكن الفعلية تدل على التجدد والحدوث دون الدلالة على الدوام وهذا مطلوب من المسلم على الدوام. طيب. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je vous enjoins de craindre de la piété envers Allah. Il n'a pas dit je vous enjoins de craindre Allah. Il employait une phrase nominale impliquant la continuité de l'acte et son raffermissement et la stabilité qu'elle engendre. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on emploie un nom, la différence entre un nom et un verbe dans la langue arabe, c'est que le nom, il indique la stabilité, le raffermissement et la continuité dans le temps. Alors que le verbe, il indique quoi? Le renouveau d'une action. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Usikum bi taqwa Allah » wa lam yakul usikum bi an tattaqu Allah » Il a employé un nom et non le verbe, pour nous montrer que la piété d'Allah, elle doit s'inscrire elle aussi dans le temps, de telle sorte qu'elle devienne une qualité presque inhérente à la personne. Une qualité qu'il a en lui, et pas quelque chose qui est ponctuel. Craindre Allah un jour et l'autre jour, on tourne sa veste. Mais c'est quelque chose qui doit être constant chez la personne. Il dit, il employait une phrase nominale impliquant la continuité de l'acte et son raffermissement ou sa stabilité, alors que la phrase verbale implique le renouvellement et l'instabilité. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est la continuité. Non. C'est d'être, de faire preuve de piété envers Allah, de sa naissance à sa mort, si on peut le dire comme ça. Non. Nuit et jour. Sirran wa alanan. Qu'il soit tout seul ou qu'il soit en public. وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر خارجي أيضا. Il dit, Al-Khariji, c'est-à-dire celui qui s'apparente au Khawarij, n'est pas seulement celui qui sort sur un imam juste, comme pourraient le croire certains. Certains disent, Al-Khawarij, leur défaut c'est quoi? C'est qu'ils sortaient sur des imams qui étaient justes, comme Uthman ibn Affan, comme... Voilà pourquoi le prophète a parlé d'eux mal. Mais le Khariji, c'est pas seulement lui. Celui-même qui sort sur un gouverneur injuste, c'est un Khariji aussi. Naam. Donc celui-là, il doit patienter que le gouverneur soit juste ou injuste. Il doit faire preuve de piété que le gouverneur soit juste ou injuste. L'imam al-Ajuri, imam, naam. الإمام الأجوري إمام من أئمة السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عاش في القرن الرابع الهجري. إلى ذكيه كتلم سكل الإجان الإمام الأجوري غانت إمام السنة. يقول في كتاب الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتغر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الإمام الأجوري دي دون الشريعة c'est un de ses fameux ouvrages qui regroupe les fondements des gens de la sunna, un peu comme Kitab al-Sunnah de l'imam Ahmed, ou sur le Sunnah de l'imam Ibn Abi Zamanin, ou autre. Il dit, il ne convient pas à la personne qui voit un khariji sortir sur un gouverneur, qu'il soit juste ou injuste, sortant et ameutant les gens, dégainant son épée et s'autorisant le sang des musulmans, d'être trompé et dupé par sa lecture du Coran, ses longues prières et son jeûne répétitif, son éloquence dans la science, dès lors que sa voix est celle de Khawarij. Ne pas être trompé par quoi, mes frères? Bi kasratil ibadat allati yakumu biha huwa. Naam. Idha kana yadhhabu madhhab al khawarij fa huwa khariji wa in salla wa yaqra al quran bil kasra. Donc les gens de la sunna, le premier critère de jugement, ils ne regardent pas les adorations de la personne. Ce n'est pas le critère de jugement qui est demandé ici. Le critère du jugement qui est demandé, c'est de savoir est-ce que cette personne-là, elle suit la voie de la sunna ou elle ne suit pas la voie de la sunna. Ici, l'imam al-Ajuri nous dit, si cette personne-là, malgré ses nombreuses adorations, elle est sur une voie qui est celle des gens de Khawarij, alors c'est un Khariji. Et le prophète, il dit, quand ils lisent le Qur'an, il ne dépasse pas leur gosier, le hanajr, c'est ça? Voilà, taraqi, taraqi, jam'u turquwa, turquwa c'est les omoplates. Hein, turquwatan. Jam'u taraqi. Lorsqu'ils lisent le Coran, ils ne dépassent même pas les omoplates. C'est-à-dire, ils n'atteignent même pas leur cœur. La yafqahuna shay'a. Comme on dit les savants. Al-Khawarij. La yafqahuna shay'a. Ils ne comprennent rien à la religion. Malgré qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils lisent le Coran, etc., etc. Donc l'imam al-Ajuri nous dit, ne soyons pas trompés et dupés par le fait qu'ils font beaucoup d'actes d'adoration. S'il a les sifat de Khawarij, c'est un Khariji. Il dit aussi, l'imam al-Ajuri un peu plus loin dans la charia, « وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْ مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ لِمَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَذَاهِبِ الْخَوَارِجِ وَلَمْ يَرَى رَأْيَهُمْ فَصَبَرَ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين فإن أمروه بطاعة فأمكن أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإن دارت الفتن بينهم لازم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. J'ai certes évoqué concernant la mise en garde contre la voie des Khawarij, ce qui constitue un message clair pour celui qu'Allah a préservé de cette voie-là. Il est en désaccord avec eux. Donc là, il donne des qualités des gens de la Sunna. Il est en désaccord avec eux. Il patiente sur l'oppression des gouverneurs et l'injustice des dirigeants. Il ne se révolte pas contre eux avec l'épée. Il demande à Allah qu'il lève l'injustice sur lui et sur les musulmans. Il invoque en faveur du dirigeant, fait le pèlerinage avec eux, combat avec eux, tout ennemi des musulmans. Il prie derrière eux le Jumu'ah et les deux fêtes. S'il lui ordonne une obéissance dans ses capacités, il s'exécute. S'il ne le peut pas, il s'excuse auprès d'eux. S'il lui ordonne une désobéissance, il ne leur obéit pas. Et si des troubles surviennent entre eux, il reste chez lui et retient sa langue et sa main. Et ne tombe pas dans les travers dans lesquels ils sont tombés. Et n'assiste personne sur ceci. Celui qui a ses caractéristiques est sur le chemin droit, Inch'Allah. Ceci est là le comportement adopté chez les gens de la Sunna concernant Ulat al-Umur. Par exemple, je vais reprendre le texte, Inch'Allah. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اَعْتَزَلْ فَإِنْ أَمَرُهُ بِمَعْصِيَةٍ لَمْ يُطِعْهُمْ وَإِنْ دَارَتِ الْفِتَنُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ دَارَتِ الْفِتَنِ بَيْنَهُمْ c'est-à-dire بَيْنَ الْوُلَاتِ نعم وَبَيْنَ الْوُلَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ نعم لَازِمَ بَيْتَهُ هُوَ لَمْ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قال تَلْزَمُ جَمَعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق كلها وإن كنت عضا على أصل شجرة ويدركك الموت وأنت على ذلك. Il a dit qu'est-ce que je dois faire si ces troubles me touchent. Il a dit accroche-toi à la jama'a du groupe des musulmans et à leur imam. Il a dit s'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de groupe. Si c'est le faubre, l'anarchie complète. Il a dit, Ilzem Beitak, reste chez toi. Naam. Écarte-toi de tous ces groupes. Naam. I'atazil firaqa kullaha. Même si tu devais t'attacher à un arbre, à la racine, au tronc d'un arbre, fais-le et que la mort te vienne et que tu sois dans cet état-là. C'est préférable pour toi plutôt que tu participes à ces troubles. Naam. L'imam Al-Ajouri soulève un point très important. Il dit, lorsque l'amir, le gouverneur, t'ordonne une chose qui est en tes capacités, tu t'exécutes. Non? Ou la personne, elle s'exécute. Par exemple, il a stanfar al-amir rajulan lil jihad fi sabilillah. L'istinfar, mes frères, c'est lorsque le gouverneur délègue des personnes pour faire le jihad fi sabilillah. Non? Ce qu'on appelle estinfal, la mobilisation, mobiliser les gens pour partir. Si la personne a la capacité de le faire, elle a la capacité, même si elle ne le veut pas, elle doit lui obéir. Naam. In amkanahu yuti'uhum. Fa in lam yumkinhu i'tazara ilayhim. Mais s'il n'a pas la capacité de sortir, il est infirme par exemple, ou il est malade, ou pour une autre raison, dans ce cas-là, il s'excuse auprès d'eux en lui donnant sa raison. Donc, la capacité, l'obéissance, elle est conditionnée par la capacité de la personne. Il faut que la personne soit capable de pouvoir lui obéir. وقال الإمام أحمد. Écoutez bien cette parole de l'imam Ahmed. Donc, في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئتين. الصفحة التالية. وقال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تقرير عقيدة أهل السنة فيما ذكره اللالكائي رحمة الله تبارك وتعالى في شرح أصول الاعتقاد أو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة يقول ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان أي بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الإمام أحمد دي dans l'établissement de la croyance des gens de la Sunna, comme ceci est évoqué par l'imam al-Lalekai dans son livre, son fameux ouvrage Aqidat Usul Ahli Sunnati Usul al-I'tiqad, Shar' Usul al-I'tiqad, il dit l'imam Ahmed, celui qui sort sur un des dirigeants musulmans, les gens se rassemblent autour de lui et l'acceptent comme calife, de gré ou de force. Ce khariji a certes divisé les musulmans et a contredit les traces de l'envoyé d'Allah. Si celui-ci meurt, il meurt d'une mort comparable à celle des gens de la période anti-islamique, comme on l'a déjà vu. Il n'est pas permis de combattre les gouverneurs, ni de se révolter contre eux. Celui qui commet ceci est un innovateur sur une autre voie que celle de la sunna. Hein, mubtadi'a. Alors, rahmi anfihi, même si lui ne dit pas mubtadi'a, c'est un mubtadi'a. Non, celui qui appelle à la révolte. Parce qu'il faut savoir une chose aussi. Il y a ce qu'on appelle le khawarij, هم الذين خرجوا فعلا بالسيف والسنان على الولاة. وهناك ما يسمى بالخوارج القاعدة. هم لا يخرجون بالسيف بل يخرجون بالكلام فحسب. هم قاعدون على الكراسي لا يخرجون بالفعل ولكن يخرجون بكلامهم ويهيجون الناس ويحثون الناس على الخروج، يسبون الحكام ويشهرون بعيوبهم ويسترون مساويهم ويظهرون عيوبهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة حتى يخرج الناس على ولاة الأمور. C'est ce qu'on appelle le khawarij al-qa'ada. C'est-à-dire, ce sont, à notre époque, ils sont nombreux. Subhanallah. À notre époque, il n'y a que ça. Ce sont des gens qui ont ce fikr, qui ont cette pensée de révolutionnaire. Mais eux, ils bougent pas. Ils prennent pas l'épée. Tu ne les verras jamais prendre l'épée ou bouger ou partir et mener la révolte. Mais ils sont chez eux, ou derrière Internet, à travers leurs livres, et ils chauffent les foules. Ils exacerbent les gens. Non. Et ils parlent sur le gouverneur comment? Soit en dévoilant leurs défauts, en cachant leurs qualités, en les dénigrant, en médisant sur eux. Non. Cela, on les appelle le khawarij al-qa'ad. Ils sont même plus pires que les autres, comme on dit certains savants. Ceux-là, ils sont plus dangereux que ceux qui sortent avec l'épée directement. Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il y a deux califes qui se présentent, tuez le deuxième. Hein? Tuez le deuxième. C'est le premier qui a la légitimité de calife. Ah, mais celui qui est venu par la suite, il n'a aucune légitimité. فقد روى ابن سعد في الطبقات عن حسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتدهرع. Oh vous les gens, par Allah, Allah vous a contraint à l'autorité de l'Hajjaj qu'à titre de punition. Ne contestez pas le décret d'Allah par l'épée, mais faites preuve de calme, de sérénité et de supplication à Allah. Non. Le fait que le Hajjaj est devenu votre autorité, qui était gouverneur d'Irak à l'époque, hein, ceci n'est que le fruit de quoi? De vos péchés. Non. Uqubatan alaykum. Donc comment on relève une uqouba? Comment on enlève une uqouba? Par l'épée? Ou alors, bittadagru'a, wa sakina, wa sabr, wa rujou'i ilallahi tabaraka wa ta'ala. Hein? On enlève, justement, cette uquba, cette punition qu'Allah nous a infligée, comment? Par la supplication, les do'as envers Allah, l'humilité devant Allah, le retour vers Allah, tabaraka ta'uba, le délaissement des péchés. Non? Le calme et la sérénité et la patience. En faisant tout ceci, al-uquba, ça tourfa, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Non? Regardez ce que ça a fait. Ils ont voulu combattre avec l'épée. Au final, tous les protagonistes de cette histoire, tous les commanditaires, de cette révolte, ils ont été pourchassés, ou alors certains ont été obligés de s'humilier devant le Hajjaj pour qu'il les laisse en vie. D'autres ont été tués sabran, c'est-à-dire ligotés, comme Saad ibn Jubair. D'autres ont été tués comme Abdurrahman ibn Ash'ath, qui s'était réfugié chez Ratbi, le roi des Turcs, jusqu'à ce que le Hajjaj, il a envoyé une lettre au roi des Turcs, il lui a dit, si tu me l'envoies pas, c'est moi qui vais venir. Il a pris peur, il l'a envoyé. Et sur la route, Abdurrahman ibn Ash'ath a décidé de se jeter dans le ravin, plutôt que de s'humilier dans le Hajjaj. C'est pour ça qu'Ibn Durayd disait, وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى غرضا حذار إشمة العداء. Il a dit وابن الأشج القيل ساق نفسه. ابن الأشج, c'est lui, c'est عبد الرحمن بن الأشعث. القيل هو الملك الصغير, le petit roi, c'est-à-dire celui qui a voulu, qui avait un petit royaume. ساق نفسه إلى غرضا, il s'est jeté lui-même dans la mort. لماذا حذار إشمة العداء, afin de se prémunir contre la réjouissance de son ennemi, c'est-à-dire Al-Hajjaj. Non? Donc, au final, il a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Il a gagné des péchés, il a gagné l'humiliation. Voilà ce qu'il a gagné. Non? Il fallait qu'il patiente, Inch'Allah. C'est vrai que Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'est un tari. C'est un gouverneur oppresseur. Certains savants même l'ont kafal, l'ont excommunié de la religion. Certains. Certains d'autres ont dit non, il reste musulman. Il faut patienter. Non. Si il est devenu gouverneur, c'est comme une punition d'Allah. C'est en ceci que on avait rapporté la parole de Ibn Qayyim al-Jawziyya, où il disait que les gouverneurs sont à l'image du peuple. Si le peuple est pieux, Allah leur donnera par sa justice, par sa faveur, un gouverneur à leur image. Si le peuple est pervers, comme c'est le cas actuellement. Non? Si les gens sont pervers, pourquoi ils veulent avoir un gouverneur à l'image de Abu Bakr ou Omar? Ça ne relève pas de la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah leur donnera un gouverneur à leur image, oppresseur comme eux, pervers comme eux. Pour finir, Inch'Allah, لقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله في خطبته ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأخرجه الآجري في الشريعة. طيب il a été authentifié de عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه qui a dit dans son sermon, ce que vous réprouvez dans votre attachement au groupe est préférable à ce que vous aimez dans la division. Non. Il vaut mieux rester avec le groupe des musulmans, même si vous réprouvez des choses en étant dans le groupe, plutôt que d'être sorti du groupe en aimant des choses qui relèvent justement de ce détachement du groupe. Non, mais je vous rappelle la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Ce que vous réprouvez dans votre attachement au groupe est préférable à ce que vous aimez dans la division. Hein? Des paroles en or, mes frères. Aqtafi bihadal qadr, wa salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, allahumma arina al-haqqa haqqa wa razuqna itiba'a, wa habbibna fi, wa arina al-batila batilan wa razuqna ijtinaba, wa kahlana fi, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.